Capital Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pédale Scandale, l'émission qui parle de lutte et de culture PD, tous les deuxièmes lundis du mois sur Radio Dio. Pour nous écouter, c'est sur le 89.5 FM à Saint-Étienne et dans le coin, et en streaming sur radiodio.org partout ailleurs. Pour démarrer cette nouvelle année, on avait envie de s'intéresser à la question de la transmission de nos histoires, de nos outils, de nos luttes, de nos pratiques, et des moyens qu'on trouve pour survivre en tant que trans et ou PD face à ce monde raciste et capitaliste. La question de la transmission, elle revient tout le temps dans les collectifs militants, et en particulier dans les milieux PD et trans. Il n'y a pas une rencontre sans qu'on fasse le constat de manque de ce côté-là. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à se poser toutes ces questions. Le dernier numéro papier de Trou Noir y est aussi consacré, et on vous conseille de le lire. Dans des communautés traversées par la mort, c'est pas étonnant qu'on perde des bouts de nos histoires. Mais si on ne dit que ça, on se ment. Il existe plein d'autres raisons qui rendent cette transmission difficile. Alors, on a décidé que dans les prochains mois, on vous ferait une série d'émissions sur les questions d'histoire et de transmission. En mars, l'émission sera consacrée à la présentation du livre de Mathias Quéré, Quand nos désirs font des ordres, qui sort dans quelques jours. Et nous reviendrons aussi dans une future émission sur l'histoire plus locale de nos communautés PD et trans. Mais aujourd'hui, intéressons-nous à cette question de transmission. Qu'est-ce qui nous est transmis de notre histoire dans un monde traversé par des systèmes de domination systémique? Comment on se fabrique nos propres histoires communautaires? Et quelles questions doit-on se poser quand on pense à se transmettre nos luttes? Pour cela, on a demandé à deux amis, Louve et Malo, qui font des recherches sur les histoires PD trans. Dans un cadre universitaire et éditorial pour l'une, et dans un cadre communautaire et associatif pour l'autre, de nous apporter leurs réflexions. On a aussi profité de petites vacances entre pédales pour se faire un après-midi de discussion, dont vous pourrez entendre des bouts et des retours au cours de cette émission. Cette émission, elle va être dense et sûrement assez longue, alors installe-toi confortablement avec une petite boisson chaude, par exemple, et bonne écoute. Allô ? Allô ? Ça marche ce truc ? Il y a quelqu'un au bout du fil ? Mais comment ça marche ? Ah oui, c'est la radio, suis-je gourde. Vous ne pouvez pas répondre. Oui, c'est Sœur Anastasia, sœur de la perpétuelle indulgence, couvent des traboules. Bonsoir les pédales scandales, merci beaucoup de proposer de participer à cette nouvelle émission sur la question suivante. Comment on se transmet l'histoire de nos luttes ? Non chérie, je ne parle pas de la transmission de ta dernière syphilis. Va consulter un médecin qui te donnera le traitement antibiotique adéquat. Voilà, c'est fait. Alors, on a bien réfléchi avec Sœur Christina. Et la transmission, ça correspond à notre vœu de droit et devoir de mémoire des personnes décédées du sida ou persécutées ou tuées en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Participer à ce droit et ce devoir de mémoire, vous le faites sans vous en rendre compte, chers enfants, notamment lorsque vous défilez lors des Pride, des marches des fiertés dans tout l'Hexagone et au-delà. Eh bien, nous sommes là, souvent, dans les marches des fiertés, pour vous rappeler que cet événement, c'est la commémoration des émeutes de Stonewall en juin 1969. Les marches des fiertés sont souvent en juin parce que des personnes trans, comme Marsha P. Johnson, des gays, des prostituées, des lesbiennes, en avaient marre des descentes de police dans le bar de Stonewall, aux États-Unis, et qu'elles ont défié les autorités le 28 juin 1969 en leur lançant des pavés et en les séquestrant dans le bar. C'est un peu notre prise de la Bastille, si vous voulez. Participer à ce droit et ce devoir de mémoire, vous le faites aussi sans vous en rendre compte quand vous participez à la marche du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Ça existe... Ah, la cloche de méditation, je serai en retard. Ça existe depuis 1988, cette journée. Et la transmission de cet événement se fait depuis ces nombreuses années, notamment par les reportages sur l'association ACT UP Paris. Vous vous rappelez du préservatif rose sur l'obélisque de la place de la Concorde? Bon, bah, c'était eux, et vous avez eu beaucoup d'émotions en regardant le film 120 battements par minute. Bon, bah voilà, ça aussi, c'est de la transmission. Cette année, par exemple, par rapport à ce droit et ce devoir de mémoire, qui correspond donc à l'un de nos vœux, particulièrement cher au Traboul, cette année, nous avons participé à une cérémonie du déploiement du patchwork des noms à Lyon, pour le 1er décembre. Alors, je ne sais pas si vous savez que l'idée du patchwork a été trouvée en 1985, en souvenir de l'assassinat de Harvey Milk, conseiller municipal gay de San Francisco, en 1978. Les morts du sida n'avaient souvent pas droit à un service commémoratif, donc inscrire leur nom sur un bout de tissu était souvent la seule occasion de les honorer, d'honorer leur mémoire et de les commémorer. Et en cousant ces bouts de tissu les uns aux autres, un patchwork a été créé. C'était vraiment très émouvant, cette cérémonie de déploiement du patchwork des noms à Lyon, le 1er décembre 2024. Alors, on n'était quand même pas très nombreuses cette année. Alors, un appel est lancé à la radio. Si vous m'entendez, réservez votre 1er décembre 2025. La marche à Lyon commence en général à 18h. On se tiendra au courant. J'en suis où, moi? Alors, on parle peu des sœurs de la perpétuelle indulgence. Vous trouvez? Pourquoi? Ah bah oui, c'est dommage. Parce que quand vous nous voyez avec notre maquillage multicolore sur fond blanc et nos cornettes, vous nous reconnaissez tout de suite. Mais c'est vrai que vous ne savez pas toujours ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Pourtant, les sœurs de la perpétuelle indulgence sont nées en l'an 1979 à San Francisco. Elles ont été les premières à commencer à faire de la prévention des IST et du sida, à récolter des fonds pour les malades, à aller dans les hôpitaux au chevet des malades, etc., etc. Les sœurs de la perpétuelle indulgence, nous sommes un peu les poils à gratter de tous ces bien-pensants qui voudraient nous dire comment se conduire, comment faire, comment c'est bien notre sexualité ou pas, etc., etc. Donc depuis 45 ans, nous continuons à arpenter les rues, les bars, les conférences, à apparaître en public pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+, parce que aujourd'hui, c'est toujours pas gagné, hein. Il faut continuer. Lorsque sœur Christina s'est rendue cet été à Auschwitz pour faire une prière devant le four crématoire en pensant au triangle rose, nos sœurs lesbiennes asociales et nos frères homosexuels assassinés par le régime nazi, il s'agit de mémoire et donc de transmission. Parce qu'il faut bien se dire que aujourd'hui, si on a accès à un traitement, si on peut se marier si on a envie, si on a accès aux transitions de genre, etc., c'est bien parce que des personnes, des militants et des militantes, comme nous, comme vous, comme les sœurs de la perpétuelle indulgence, se sont battues depuis des décennies pour et avec vous. Comme nos luttes sont menacées de toutes parts, les sœurs restent donc nécessaires. Alors même si vous ne nous connaissez pas encore, depuis 45 ans, il faudra réviser votre catéchisme, hein, quand même, mais sachez que nous serons toujours de votre côté, à l'écoute et dans la lutte pour bénir votre route de paillettes multicolores, car nous vous aimons. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, bonne soirée Pédale Scandale, bonne soirée aux auditorices. Soyez dans la joie et dans la fesse de nombreuses fois, mais toujours sous la protection de Saint-Latex. Bye! Comment j'arrête ça, moi? Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5. On vient d'écouter un message de Sœur Anastasia du couvent des Traboules, qui était suivi d'un remix du morceau Small Town Boys, le tube de Bronski Beat, qui était remixé pour le film 120 battements par minute, dont Sœur Anastasia nous a parlé un peu dans son vocal. D'abord, un grand merci à Sœur Anastasia, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu dans Pédale Scandale et sur Radio Dio. Revenez quand vous voulez, on adore vous entendre. Du coup, dans ce message, vous nous avez parlé de Stonewall, d'Act Up. Nous, on a l'impression qu'on entend aussi souvent parler du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et dans cette émission, on a eu envie de se demander pourquoi on connaît souvent mieux l'histoire états-unienne, par exemple, que nos histoires locales. Qu'est-ce qui est valorisé dans la transmission de nos histoires ? Est-ce que c'est que la grande histoire, comme on dit, celle qui est spectaculaire ? Et pourquoi on parle peu d'autosupport, de soins, alors que c'est quand même souvent ça qui sauve des vies ? Et aussi se demander pourquoi encore aujourd'hui on observe un certain mépris de tout ce qui est autosupport et monde associatif. Du coup, pour répondre à tout ça, on va écouter une première intervention de Louve qui parle un peu de cette question d'histoire spectaculaire versus autosupport. Effectivement, par rapport à ce qui est dit un peu au début du message, évidemment l'histoire qui est la plus facilement accessible et structurée par genre des rapports de pouvoir énormes de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est pas dit, qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce qui est effacé et tout. Ça, je pense, tout le monde est très au courant. Mais notamment sur les trucs d'histoire PD, je trouve ça intéressant parce qu'on parle du FAR et on parle quand même pas souvent des GLH, les groupes de libération homosexuelle. Alors que le FAR, quand même, c'est éclatant, ça fait bien, mais en fait, c'est parisien, c'est quand même relativement court. C'est, d'après ce que je comprends moi, c'est pas beaucoup d'action, on va dire, matérielle ou de support, c'est très... on va dans des manifs et compagnie, enfin... Ouais, et en fait, alors que tu as les GLH après, là, pour le coup, c'était dans plein d'autres villes, c'était sur de la beaucoup plus longue durée, je pense que ça brassait plus de gens, et peut-être des gens aussi plus différents en termes de parcours militant, en termes d'origine socio-économique et tout... et ça a quand même créé des projets comme les UH ou des choses comme ça qui existent encore, quoi. Donc ouais, je trouve ça intéressant ces trucs, et effectivement, ça c'est sur l'histoire PD, mais sur l'histoire trans c'est pareil, quoi. C'est une histoire, l'histoire qui est la plus facilement accessible. Pour moi, ce que j'entends par facilement accessible, c'est en fait l'histoire qu'on trouve dans les livres et dans les podcasts. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu les deux formes où c'est plus facile de trouver des trucs d'histoire. On va dire livre, podcast et peut-être internet, mais en mode Wikipédia, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont disponibles sur internet, quand on va chercher sur les forums, sur des sites. Dans les années 90-2000, il y a vraiment des gens qui font des pages perso où ils racontent des choses hyper intéressantes, mais là, il faut vraiment les trouver, quoi. Mais ce qui est accessible, pour moi, ouais, c'est livre, podcast, Wikipédia. Et l'histoire trans qui est racontée dans ces choses-là, par exemple, c'est une histoire qui est hyper parisienne, qui est hyper associative, C'est-à-dire, c'est vraiment qu'une histoire des assos, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de choses comme ça. Et même les trucs d'autosupport, c'est difficile à trouver quand c'est pas d'autosupport associatif. C'est une histoire aussi qui, et ça, que ce soit l'histoire PD ou l'histoire trans, c'est une histoire qui se concentre sur des grandes figures, hein, ce qui est pénible, hein, parce que notre histoire, elle est collective, hein, c'est pas... voilà. Mais en plus, c'est des figures qui sont toujours racontées avec un certain angle, quoi. Typiquement, dans l'histoire trans, même quand on cherche des figures un petit peu anciennes en France, ce qui va ressortir, c'est Coccinelle, Bambi, les meufs du cabaret et tout. Et c'est hyper intéressant, mais en fait, elles sont racontées comme... bah, typiquement, Coccinelle, c'est une grande star internationale, hyper bonne, qui fait son changement... son changement d'état civil, qui fait une vaginoplastie, qui se marie à l'église, qui fait du scandale. Et ce qui est raconté quand même d'elle, c'est tout ce qui touche au spectaculaire, au cabaret, au scandale, à l'érotisation aussi et l'exotisation de son corps, de sa vie. Et bah, typiquement, je trouve ça laisse dans l'ombre le fait que Coccinelle, c'est aussi une personne que beaucoup de meufs trans contactaient, allaient voir, et qui du coup animait quand même autour d'elle un réseau qui bah, peut être qualifié un peu de réseau d'autosupport, quoi. Après, il faudrait fouiller plus pour être plus clair là-dessus, mais du coup, ça, typiquement, c'est des choses qui sont pas mises en avant quand on met en avant. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ces bras-là. Moi, j'aime bien penser les trucs d'histoire et d'archives comme un peu un une espèce de champ gravitationnel dans l'espace, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses qui font des forces d'attraction, typiquement la mort, grosse force d'attraction, et il y a des choses qui font des forces de répulsion. Donc, par exemple, l'autosupport, en fait, c'est très difficile de trouver de l'histoire un peu concrète de l'autosupport, en mode, c'était qui, c'était combien de gens, c'était quel... Bah, typiquement, l'autosupport sur les hormones, sur les chirurgies, sur le silicone, sur tous ces trucs-là. Mais en fait, ça a coûté combien? C'était fait comment? Il y avait des réseaux quand même qui faisaient du commerce international d'hormones dans les communautés trans. Mais en fait, ça marchait comment? C'était qui faisait ça? C'était qui organisait ça? Combien ça coûtait? Enfin, je sais pas. Ça, c'est des trucs où c'est très difficile d'en trouver des traces, par exemple. Du coup, voilà, moi je trouve qu'il faut se méfier un peu de ce jeu d'attraction-répulsion, et surtout se méfier des trous noirs, quoi. Un peu ces trucs qui aspirent tellement qu'on trouve plus rien autour, quoi. Et les trous noirs dans l'histoire PD, c'est Stonewall, c'est le phare, c'est Guy Ockenham, c'est ces événements et ces figures qui font trou noir et qui effacent tout ce qu'il y a autour, et qui créent des trucs en mode « le phare, c'est Guy Ockenham ». Alors que non. Le phare, c'est quand même plein d'autres personnes. Et ouais. Et du coup, c'est des trous noirs qui effacent tout ce qui se passe autour, et c'est aussi des trous noirs qui font que ça déforme aussi la vision qu'on peut avoir des choses. Typiquement, il y a vraiment ce truc de... bon, ça fait quelques années, par exemple, autour de Stonewall, qu'il y a ce truc de oui, Stonewall, mais n'oublions pas Marsha P. Johnson, s'il y arrivera. Et ce qui est très important, mais ce qui du coup recrée un truc qui est en fait aussi individuel et qui aussi raconte des choses fausses. Ce truc de Marsha P. Johnson qui a jeté la première brique, c'est faux, j'ai l'impression qu'en tout cas, beaucoup de preuves montrent que c'est faux. Bon, et après c'est pas très grave de se raconter des choses fausses, mais bon, est-ce que c'est vraiment notre priorité? C'est pas sûr. Mais typiquement en France c'est pareil. Quand on parle du phare, un truc qui va être mis en avant par exemple, c'est les gasolines. En mode, ah bah ça c'est vraiment les folles, beaucoup de meufs trans et tout, révolutionnaires et tout. En fait, quand on écoute typiquement quand Hélène Azéra qui parle des gasolines, qui en faisait partie, elle est en mode, vraiment juste on foutait le bordel quoi. Et après oui, on allait crier bit en manifestation et quelque part c'était révolutionnaire, mais bon. Et du coup je suis en mode oui, et en fait dans le même temps, dans les années... Dans les années 60, ben en fait, il y avait typiquement la première association trans qui a été créée, qui était la MAO, l'association des malades hormonaux, qui, bon, et voilà, très cringe sur plein de bouts, mais qui avait vraiment un truc d'autosupport matériel à grande échelle quand même à Paris. Mais voilà, qui luttait pour des papiers d'identité au genre des personnes, qui luttait pour l'accès aux soins de transition, qui luttait pour la reconnaissance, c'était un truc de respectabilité et tout. Mais du coup, voilà, quand les gasolines sont mises en avant, alors que c'est vraiment une poignée de gens sur un temps hyper hyper court qui ont foutu du bordel et qu'on les vend comme un peu les transrévolutionnaires des années 60, bah, en fait, on déforme quand même très fort la réalité, quoi, des années 60, des années 70. Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation. Qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt. On ne fait pourtant de tort à personne si on est un gars et qu'on aime un homme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. C'était une chanson du phare. Moi, ça me fait penser tout ça que toute cette grande histoire qu'on entend un peu stylée, badass, de trucs à peu près révolutionnaires, d'actions courtes dans le temps, tout ça, comme c'est un peu l'histoire qu'on entend le plus facilement, ça fait ce truc de quand tu débarques dans ces milieux-là, c'est que ça que tu connais. Tu connais que le spectaculaire et du coup, c'est vers là que tu vas. Ce qui n'est pas mauvais dans un certain sens, mais ce qui fait aussi que tu n'as pas conscience de l'impact que ça peut avoir dans ta vie et du fait que pour pouvoir faire ces choses-là, il y a besoin de soutien derrière, il y a besoin d'auto-support, en fait, il y a besoin de soins. Et ce manque de transmission sur les différentes façons de lutter et qu'on peut faire aussi des choses pas que spectaculaires, ça fait qu'on se bousille super vite Et voilà, c'est dommage. C'est un truc un peu caractéristique, j'ai l'impression, quand on débarque dans ces milieux-là. Voilà. Bon, je ne sais pas comment enchaîner, donc je vais lire ce qu'il y a écrit. Ouais, il y a une grosse partie de l'histoire, de cette grande histoire, qui nous est transmise du coup par les livres ou les médias mainstream, et par le monde universitaire, et donc par le monde hétéro, capitaliste et raciste. Ça surprendra personne, mais elle est, comme tout le reste, traversée par les rapports de domination systémique et elle est déformée par les institutions, notamment médicales et psychiatriques, mais aussi judiciaires et policières. On va écouter Louve qui va nous parler de ces questions à nouveau. Et l'histoire qui est racontée, qui est la plus accessible, c'est aussi une histoire qui est hyper blanche et franco-française. Et typiquement, même sur des trucs relativement récents, genre les années 90, par exemple, une asso comme l'association du syndrome de Benjamin, elle a quand même laissé pas mal de traces, parce qu'en fait, dedans, il y a des personnes comme Karine Espinera, Maudio Stoma, Tom Rusher, qui en fait sont aussi des universitaires, quand bien même leur rapport à l'université est hyper, hyper, hyper compliqué et teinté de transphobie, mais quand même, il y a un certain rapport à l'écrit et à la connaissance légitime qui fait que quand même leurs histoires sont facilement trouvables. Ça a donné un documentaire quand même assez vite, hein, qui est L'Ordre des mots, en genre, je sais plus, 2006, un truc comme ça. Qu'il y a plein de traces, que le site de Tom Rocher, il est toujours en ligne, on y trouve plein de choses. Que Karine Espinera et Maudio Stoma, elles sont beaucoup, beaucoup intervenues pour raconter aussi cette histoire-là. Et typiquement, dans les années 90, en fait, il y a aussi le PAST, qui est une asso, pour le coup, de lutte contre le sida, qui est la première association trans de lutte contre le sida, qui commence en 92 environ, et où c'est avant tout des meufs migrantes, racisées, beaucoup travailleuses du sexe, beaucoup séropositives, turbo-précaires. Et ça, c'est hyper difficile d'en trouver des traces, alors même, et c'est ça que je trouve assez incroyable, alors même que le PASS, il existe toujours, hein, alors que les autres assos des années 90 n'existent plus pour la quasi-totalité. Et sur l'angle décolonial et tout, ce qui manque aussi, je trouve, c'est une histoire qui soit vraiment internationale, hein, des questions trans et notamment des soins de transition. Parce qu'en fait, il y a plein de voyages slash tourisme international de soins de transition déjà dans les années 50 avec le Maroc. Et ensuite, il y a eu typiquement le Danemark. Le Danemark, c'est déjà avant. Mais ensuite, il y a la Belgique, les États-Unis. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe avec la Thaïlande hein, pour les vaginoplasties et compagnie. Et du coup, du coup, il y a une histoire internationale et en fait, avec beaucoup de relents coloniaux, des transitions et des soins de transition. Et je trouve que ces trucs de déformation, il y a aussi plein de bouts sur lesquels c'est très difficile à attraper. Mais par exemple, moi je trouve que l'histoire trans, elle est très déformée par la psychiatrie. Et c'est pas juste un truc de dire « Ah, il y a eu une oppression psychiatrique des vécus trans », mais c'est qu'en fait, tous les termes qu'on utilise, les questions d'identité de genre, les questions d'expression de genre, la différence entre le ressenti des personnes et leur corps, enfin, tous ces trucs-là, et du coup, les vies dont on va parler, en fait, c'est une vision très psychiatrique de ce que c'est que la transidentité. C'est pas une vision comme il y avait au 18e, 19e siècle, où c'était juste... c'est une vision très sociale, quoi. Bon, là-dessus, bref, c'est trop long pour m'étendre là-dessus. Mais par exemple, beaucoup des vécus trans dont on a des traces dans les années 80, 90, etc., si c'est pas des traces associatives, c'est des traces hospitalières. Et en fait, les traces hospitalières, c'est les personnes qui ont pu avoir accès à ces soins et qui en fait ont passé aussi toutes ces étapes de l'entretien psychiatrique, le suivi psychiatrique, l'accès aux soins type hormones et compagnie. Du coup, c'est vraiment une toute petite partie, très médicalisée, très psychiatrisée, des personnes trans. Du coup, un peu se méfier aussi de ces institutions de répression qui en fait concentrent un peu les traces qu'on a, les histoires qu'on a. Et... typiquement là-dessus, c'est intéressant parce que, notamment dans l'histoire décoloniale, il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on écrit l'histoire à rebrousse-poil. Hein. C'est-à-dire, en fait, on est en mode bah oui, en fait, la plupart des archives qu'on a, c'est les archives de la répression, c'est les archives de la police, c'est les archives de la justice, c'est les archives de la médecine, donc c'est les archives de la violence. Hein. Et en même temps, encore une fois, on se dit, en fait, voilà, on va pas rester sur cet état de fait, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, la répression en elle-même, elle laisse des traces, et elle laisse des traces des vécus des gens. Et du coup, comment est-ce qu'on peut lire aujourd'hui les archives médicales pour raconter des histoires, des personnes? Dans les histoires trans, par exemple, il y a vraiment aussi ce truc en France, de les seuls écrits par des personnes trans jusqu'aux années 90, c'est les autobiographies. Et pour le coup, il y en a plein des autobiographies trans. Et en même temps, clairement, c'est des histoires qui sont écrites pour les cis. Hein. Du coup, elles nous disent pas la vérité du vécu des personnes. Et en même temps, il y a plein de choses à en trouver. Et je repense à une peintre qui s'appelle... j'oublie. Michel-Marie Poulain, un truc comme ça, je retrouverai son nom, mais qui a écrit une autobiographie qui s'appelle « J'ai choisi mon sexe », je crois dans les années 40, sinon 50. C'est hyper intéressant, comparé à tous les discours qu'il y a eu après de « Ah non, on choisit pas, c'est un trouble psychiatrique » ou « C'est un déséquilibre hormonal » ou « C'est ceci, cela ». Du coup, il y a plein de trucs à en trouver. Ou quand on lit, par exemple, typiquement l'autobiographie de Lily Elbe, la peintre, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, elle parle de sa transition pas que comme un processus en termes de genre, mais aussi un processus en termes d'âge. Hein. C'est qu'elle, pour elle, le fait de transitionner, ça veut aussi dire rajeunir. Hein. Et le fait de se faire transplanter, par exemple, des gonades d'une femme qui est plus jeune qu'elle. Hein. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça vient défaire un peu le récit tout fait de changement de sexe et compagnie. Et aussi, c'est une vision qui est hyper eugéniste hein, de ce que c'est qu'une transition. Du coup, je trouve que c'est trop intéressant d'aller creuser ces trucs-là et de se dire, bah, en fait, oui, les technologies de transition qui émergent au début du XXe siècle, c'est aussi des technologies qui sont eugénistes, dont le but, c'est aussi de rajeunir, renforcer la race. Hein. Et en fait, du coup, il y a toute cette histoire hyper raciste de la transition jusque dans les techniques qui sont utilisées, quoi. Du coup, voilà, ça je trouve que c'est. Voilà, il y a tout un tas de rapports de pouvoir qui structurent l'histoire et tout. Et en même temps, je trouve que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Parce qu'après, on se retrouve vite en mode ah, bah, du coup, il nous manque des traces sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel groupe social, sur tel ou tel événement. Et moi, je trouve que c'est intéressant de jamais penser l'histoire ou les archives en termes de manque, en termes de qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas. Pour moi, l'histoire et les archives, c'est des choses qu'on fait, et c'est jamais des choses qui sont. Parce que typiquement, en fait, toute vie, tout événement laisse des traces. Énormément de traces. Et du coup, pour moi, la question à se poser, c'est pas ah, en fait, pourquoi il n'y a pas de traces de cet événement-là, mais en fait, pourquoi les traces de cet événement-là ont été effacées? Pourquoi est-ce qu'elles ont été effacées par désintérêt des institutions d'archives, par désintérêt des historiens, par. Et ça peut être ouais, des trucs un peu. De pratiques comme ça, des historiens, des archivistes, ou des trucs plus globaux de bah ouais, une question d'accès à l'écriture, une question de temps disponible aussi pour faire de l'écrit, faire de la trace, pour la conserver, pour la référencer, pour la léguer à d'autres personnes, etc. Parce qu'il y a vraiment ce truc, bah, notamment dans l'histoire PD, où en fait, bah, juste les traces étaient supprimées, quoi. Tous ces trucs, toutes ces archives personnelles des gens qui mouraient et qui n'étaient pas conservées. Ben en fait, il y a un peu ce truc de qu'est-ce qui est conservé, qu'est-ce qui n'est pas. Et il y a un exemple là-dessus qui est assez fort pour moi, c'est les Archives nationales, par exemple, c'est une institution publique, payée par l'argent public, qui conserve ce qui est considéré d'intérêt national. Et considéré par qui? Pas clair. Hein. Et typiquement, des histoires qu'en tout cas on m'a racontées, il y avait à un moment les archives de. Enfin, il y avait l'association Vaincre le Sida, qui en fait est la première association trans française de lutte contre le Sida, avant AIDS, avant ACT UP, hein, qui est encore une association dont on ne connaît rien. En tout cas, l'histoire n'est pas accessible. Et en fait, il y a eu à un moment une volonté de, il me semble, déposer les archives de Vaincre le Sida aux archives nationales, et en fait, elles n'étaient pas considérées comme d'intérêt national à ce moment-là. Et en fait, les archives qui sont rentrées aux archives nationales ensuite, c'est les archives d'ACT UP. Qui à ce moment-là était considéré comme d'intérêt national. Et en fait, ça, le problème, c'est que, bah, clairement, l'intérêt national, c'est pas nous qui définissons ce que c'est, quoi. Backwash. I got the mic and I told them that I was Lady Gaga. We bad romances and bafflement as my backup dancers. Queer theory, six and sixes with pink and clippers. Killed a cis for the sacrifices for him and Lilith. Lord forsake me, he made me gay in the process. I got the devilish armies, call me place of my armies. The rubber base of unholy matrimony. It's all is the G.O.A.T., the god of this matriarchy involvement. Passing off with the goddess, Aristotle of lawless. I'm passing off with this hot tub to candy floss in my ass and it's shoving. Lodged and run to me, Tony, how much I really couldn't give a fuck. Less how this bastard's talk when approaching. The catacombs reciting through Patty's horses and chorus. Like thuggish, ruggish, born in a lack of death. If my God is really gay, then I've candid pain of the cross. His soul has been to swear, and I'm glad it came at the cost. Back on. Bonsoir. Vous êtes toujours sur Pédale Scandale, sur Radio Duo 89.5. Et on vient d'écouter Track One de Back X-Wash. Et ben du coup, ça donne envie un peu de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour se transmettre nos histoires communautaires qui sont pas que la grande histoire, et aussi nos outils de lutte, d'auto-support, et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour ça. Eh ben, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que depuis tout le temps, et particulièrement dans nos communautés PD, trans et tout ça, à côté des archives nationales et institutionnelles, il y a toujours eu plein d'individus et de collectifs qui se sont fait tourner des livres, qui ont écrit des brochures, qui ont fait des affiches, qui ont fait des émissions de radio. En fait, on crée nos propres archives communautaires. Il y a plein de bibliothèques féministes et queer qui existent, des infokiosques qui se baladent, des collectifs qui ont leur propre archive. Les web, par exemple, les Weekend PD ont une commission archive. Pour la radio, il y a des sites comme Radio Rageuse qui regroupe depuis plus de 15 ans toutes les émissions de radio féministes et transpédéguines qui existent, enfin... toutes, pas toutes, en tout cas toutes celles qui font partie du réseau. Il y a aussi un centre d'archives communautaires à Marseille qui s'appelle Mémoire des sexualités, qui a été monté notamment autour des UEH. Mais j'ai l'impression que jusqu'à il y a quelques années, tout le monde faisait ça un peu dans son coin. Et depuis quelques années, il y a un réseau qui s'appelle Big Tata qui a été créé par des passionnés d'archives. Big Tata, c'est un site internet, mais c'est aussi des rencontres qui ont lieu une fois par an, je crois, autour de la question des archives communautaires. L'idée, c'est de mettre en commun tout ce qu'on a matériellement en tant qu'archives, les livres, les brochures, mais aussi les podcasts, enfin les émissions de radio, mais aussi de se mettre d'accord un peu sur une manière de les archiver et de qu'est-ce qu'on garde et tout ça. Alors, moi, je fais pas partie de ce réseau, du coup, je peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai l'impression que c'est, en tout cas, ça fait que, enfin, c'est mieux, mais ça reste toujours quand même un peu des spécialistes et des universitaires qui s'emparent de ces questions. Et c'est loin de représenter les milieux queer, trans, PD de manière exhaustive. Et je pense que c'est, comme tout collectif, pas exempt de domination structurelle non plus, quoi. Voilà. On essaye de faire mieux, mais c'est compliqué. Enfin, de toute façon, tout le monde archive, tout le monde chez soi a des livres, des flyers, un flyer de concert, voilà. Oui, et que c'est pas que des organisations structurées, c'est aussi je te montre tel film, ou je te prête tel bouquin, ou je sais pas quoi, et c'est aussi la transmission, c'est aussi comme ça, et pas juste dans un truc hyper... organisé, structuré, quoi. Et il y a aussi d'autres formes, moi je trouve, que pour se transmettre nos histoires auxquelles on pense moins, mais je pense au spectacle de Fléau Social, par exemple, qui est une reconstitution d'une vieille émission de Mini Grégoire, L'homosexualité, ce douloureux problème. Il y a des documentaires, il y a des fictions. Et puis il y a aussi des zines, je pense à Bang Bang ou Androzine, qui ont été numérisées ces derniers temps et redistribuées. Et aussi, on n'en parle jamais, mais en fait, la musique, moi je trouve que c'est une sacrée manière de se transmettre nos histoires. Enfin, moi, en tout cas, c'est aussi beaucoup comme ça que j'ai accès à l'histoire de nos communautés. Et aussi, parce que là, depuis le début, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'histoire et un peu militante. Mais moi, quand je pense à transmission, je pense, je sais pas, quand j'étais enfant, et c'est qui les premiers PD que j'ai rencontrés, et du coup, les images et les représentations que ça fait, et du coup... aussi que c'est des trucs que c'est pas dans un bouquin, c'est pas une histoire officielle ou je sais pas quoi, c'est une personne que tu vois et que ça te donne des imaginaires de qui tu peux devenir, que c'est, je sais pas, que c'est aussi des manières de bouger, de parler, de je sais pas quoi, qui vont pas se retransmettre à l'écrit, par exemple, et qui sont pas forcément militants, mais qui font partie aussi d'un truc, quoi. Et ben pour enchaîner avec ça, on pourra écouter un nouveau vocal de Louvre qui nous parle des histoires récentes et orales. Pour moi, l'intérêt des histoires, c'est de les raconter. C'est pas juste de les écrire ou de les figer quelque part, c'est de se les raconter entre nous. Je trouve qu'il y a un intérêt à se raconter des histoires juste pour se les raconter, peu importe l'histoire qu'on raconte, parce que ça, je sais pas, ça crée de la communauté, de la tendresse, du soin, plein de choses. Mais aussi, pour moi, il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on se raconte des histoires, c'est l'occasion d'en créer. Typiquement, moi, j'essaye de faire un peu ce que j'appelle des ateliers d'histoire trans, où, voilà, dans différentes villes, on prend 4-5 heures et on se raconte un peu l'histoire trans du XXe siècle, ou on sélectionne des thèmes, etc., je sais pas quoi, pour rendre accessible une histoire à laquelle, en fait, moi, j'ai eu accès en grande partie à travers l'université, en termes de temps disponible, en termes de ressources, de recherche bibliographique et tout. Et du coup, pour moi, le fait de donner des ateliers d'histoire trans, c'est une façon de rendre accessible en dehors de l'université, et c'est une occasion de créer d'autres histoires, d'essayer de faire de l'histoire locale, notamment. Parce que vu que l'histoire, elle est hyper centrée sur Paris, bah, le fait de prendre des vrais temps pour se raconter ces histoires-là dans des cadres en dehors de Paris, c'est aussi l'occasion peut-être de faire du lien avec des personnes qui sont plus âgées, qui sont potentiellement plus éloignées des communes, qui ont plein de choses à raconter dont personne d'autre ne se rappelle et qui ne sont écrites nulle part, enregistrées nulle part. Et en fait, du coup, pour moi, il y a aussi toujours ce double mouvement de quand on se raconte des histoires, c'est l'occasion d'en créer. Je pense que c'est intéressant de se raconter nos histoires très récentes, parce que typiquement, je me rappelle par exemple, à un moment, j'avais fait un atelier d'histoire trans au Flirt, au Front Transfemme, donc ce collectif Transfemme parisien. Et en fait, j'ai commencé en disant « Ah, est-ce qu'on pourrait commencer par se raconter l'histoire du Flirt ?» Et le Flirt existait à ce moment-là depuis 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, dans la salle, personne n'était capable de raconter l'histoire du Flirt. Et du coup, c'est heureusement, il y a une personne qui était quand même là depuis un peu plus longtemps. Et du coup, c'est beaucoup moi qui me suis retrouvé à raconter l'histoire d'un collectif dont je ne fais pas partie. Mais parce que par contre, oui, j'étais là quand il a été créé. Et du coup, ça m'a quand même fait un truc de « Ah ouais, ces histoires, elles sont vraiment pas racontées, mais en fait, elles se perdent au bout de 2 ans. » Ou par exemple, là, dernièrement, j'ai un peu interrogé des meufs trans qui ont été... qui ont lancé un peu les importations d'hormones les hormones de l'ENA. Et c'est ouf parce que c'est une histoire qui date de 2018, hein, et en fait, parmi les quelques meufs trans qui ont été à l'origine de ce truc-là, en fait, la plupart... Il y en a plusieurs qui sont décédées, et il y en a quelques-unes qui ont quitté les communes, et du coup, je suis là genre, ah ouais, c'est une histoire qui date de même pas 10 ans, et en fait, c'est pas évident de retrouver des traces, et en fait, il y a plein d'effacements sociaux à travers le suicide, à travers l'isolement et compagnie, quoi. Du coup, voilà, je trouve que c'est important de se raconter nos histoires très très courtes, hein, parce que plus on se les raconte, et plus elles vivront aussi, et de revaloriser l'histoire orale, hein, de qu'on se raconte de personne à personne, parce qu'en fait, elle est très dévalorisée par notamment la discipline historique. Il faut se rendre compte qu'en histoire, c'est comme si les gens devaient réinventer une méthodologie pour parler des sources orales et compagnie, et il y a des gros débats de est-ce que c'est scientifique ou pas, alors qu'en fait, quand même, pendant des millénaires, l'histoire orale, c'est la seule qui existait, quoi. Du coup, allô. Et si on fait que d'histoires écrites, en fait, on efface. On efface plein de gens, plein de vécus, plein de trucs. Moi, ce qui me ferait plaisir en termes d'histoire, c'est typiquement d'avoir plus d'histoires des PD dans des luttes antifa, par exemple, ou dans les luttes décoloniales. Ça, je pense que ça m'amuserait, et il y en a un peu, mais c'est quand même pas si facile à trouver. Et parce qu'en fait, se raconter des histoires PD pour se raconter les histoires d'André Baudry et des homophiles, franchement, ok, mais je trouve que c'est pas, en termes de plaisir, on est un peu... pas très intéressant, quoi. crois plus rien tempère. C'est la brise, c'est la tempête. J'arrive, je suis déjà bête. Dans l'espace comme une planète. Nos sœurs sont kill dans la street. C'est la fuite dans la tease. On consomme pour la survie. J'ai plus le time dans mes délires. Cerveau pété, survivante sur le pavé. Nos vies sont rayées, pourtant toujours présentes. Envoie de la force pour nos équipes. Dans nos vies cataclysmiques, racisées et queer. On aurait l'habitude, sur toute latitude, d'avoir des vies rudes. Deux fois n'est pas coutume. On serre les coudes, on connaît les coups durs. Leur violence nous active, m'allume en moins de deux mesures. Donc j'envoie tout dans l'instru. Ma rage arrache le bitume pour penser nos blessures. HK no gender, dans l'équipe vient closer. Menace à toute heure, sans aucun holster. Nos têtes de trans font peur à la France austère. Pas pitié à ceux qui imposent la terreur. HK no gender, dans l'équipe vient closer. Menace à toute heure, sans aucun holster. Nos têtes de trans font peur à la France austère. Pas de pitié à celle qui impose la terreur. Démêler nos nœuds, j'arrive c'est veineux. Sans aucun détour, tout est vénéneux. Pourtant j'aimais mieux l'époque où on foutait s'beul. Les meutes dans les yeux, maintenant les yeux préfèrent qu'il pleuve des deuils. Rachissez les keufs et fascistes heureux. La cinquième répu sans le feu. J'compte plus leur phase ou leur discours dégueu. C'est pour nos luttes à caractère vital. Déjà branchés sur le turfu. Tout le monde à la dalle. On écrit pour celles qui furent à nos côtés ou bien avant nous. Mortes sur le côté, célébré par des coups. En vrai, ce qui nous dégoûte et encensé chez CNews, ils veulent juste en découdre. HK no gender, dans l'équipe vient closer. Menace à toute heure, sans aucun holster. Nos têtes de trans font peur à la France austère. Pas pitié à ceux qui imposent la terreur. HK no gender, dans l'équipe vient closer. Menace à toute heure, sans aucun holster. Nos têtes de trans font peur à la France austère. Pas de pitié à celle qui impose la terreur. Nous sommes toujours sur 89.5 Radio Dio. Vous venez d'écouter Lâcher les rênes de Brise. Alors, au sein de Pédale Scandale, on a tenté de suivre les conseils de Louvre. Et la semaine dernière, on a essayé de se raconter notre histoire de quand était né Pédale Scandale, d'où ça venait. Et c'était un très bel exercice. Mais ce soir, on n'a pas le temps de s'étaler là-dessus. On le fera un jour. Ça viendra. Il y a des exemples d'histoires récentes qu'on se raconte peu. C'est le moment du Pax et du mariage pour tous. Ça reste juste comme un moment de la normalisation et de l'intégration gay, alors qu'il s'est passé un peu des trucs de ouf face aux fachos de la manif pour tous. Il y a eu des gros cortèges radicaux dans les manifs. Et il y a quelques exemples, peut-être on a envie d'en citer autour de la table. Ouais, non, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'est un truc qu'on se raconte peu. Alors, enfin, moi, qui ai vécu ce moment-là, je trouve que c'est un moment où particulièrement où il s'est passé des actions directes, radicales, d'attaques de bus qui partaient en manif à Paris. Et je sais pas, ça se passait dans plein de villes en même temps. Et c'était un moment aussi où il y avait, ça se faisait beaucoup avec les milieux antifa dans les villes, et du coup il y avait une grosse connexion entre les milieux queer TPG antifa et ce qui est pas hyper évident, hyper simple dans toutes les villes. À Saint-Etienne c'est un truc qui se passe beaucoup, mais dans toutes les villes c'est pas évident. Et du coup ce qui reste, je trouve, de ce moment là c'est le moment de la normalisation gay, c'est l'accès au mariage, c'est l'accès au droit, alors que il s'est passé plein d'autres trucs, quoi. Ouais, carrément. Et moi, ce que je trouve assez dingue sur le fait qu'on oublie super vite nos histoires, c'est que en fait il y a eu un peu deux moments de mobilisation contre la manif pour tous. Il y en a eu Il y a eu un revival de la manif pour tous en 2019 et en fait il s'est repassé les mêmes enjeux où j'ai l'impression que entre les personnes qui ont vécu ça dans le premier moment qui était 2013, voilà, et ben elles ont peu aussi, enfin j'ai l'impression que ça a été, enfin comment dire, qu'en fait on a vécu les mêmes choses à 5 ans de différence sans se transmettre ce qui s'était passé, mais que ouais, qu'en fait ça a créé plein de petites choses, plein de petites actions directes, plein de collectifs qui sont mis en place dans plein de villes assez facilement, et surtout ça a permis ça a permis de la construction de réseaux et d'outils de lutte, Et c'est ça qui est le plus important et qu'on retient le moins, enfin, moi je trouve le plus important dans ces moments-là, quoi. Et dont on a encore besoin aujourd'hui avec le retour du syndicat de la famille, les actions contre les trans, notamment l'accès aux droits des enfants trans et tout ça. Oui. Et c'est les mêmes personnes en fait, du coup, et on a besoin de se transmettre ces outils de lutte complètement contre ces groupes fascistes et réactionnaires. Mais c'est une question compliquée, la question de la transmission de qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là, parce que. Parce qu'en fait, il y a toute la question de l'anonymat quand il y a des actions illégales. Ça, c'est un gros truc, je trouve, qui vient bloquer la transmission de nos outils de lutte. Et aussi parce qu'en fait, c'est plein de petits trucs par des petites personnes qui ne sont pas des grandes figures de la commu. Voilà. Et du coup, ben, racontez-vous les histoires. Racontons-les nous. Racontons ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a appris, quels outils on a mis en place, tout ça. Et du coup, pour continuer, on va écouter un vocal de Malo sur la question du besoin des héros, justement. Il y a une réflexion qui me traverse pas mal, je pense, dans tout ça, mais depuis quelques temps déjà aussi, c'est dans ce qu'on a envie de raconter dans les histoires, mais je pense que c'est quelque chose que vous abordez aussi, c'est... Est-ce qu'on a besoin d'héros et d'héroïnes pour nos histoires? Est-ce qu'on a besoin d'une histoire héroïque comme le phare? Ou alors, même si elle est probablement intéressante pour construire des imaginaires et se lancer dans des dynamiques politiques et collectives, est-ce qu'elle nous bloque pas plus qu'autre chose, alors que on a besoin d'apprendre aussi des erreurs, des errements, des manquements, des fausses routes, des groupes et des gens qui nous ont précédés? Ben en pensant justement à la figure des héros et aux stars ou à la fame queer, on peut se poser la question du rôle des réseaux sociaux dans cette starification de nos histoires. Et notamment parmi les pédales ici présentes, du moins, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait le même rapport aux réseaux et que les réseaux n'ont pas eu forcément non plus la même place dans les histoires qu'on a reçues et la mémoire qu'on a pu se construire justement des luttes et des... des histoires qu'on a reçues en tant que pédale ou en tant que d'autres luttes. Et du coup, l'idée là, c'était de discuter un petit peu de ça et de nos différences. Tout à fait. Ben, moi, je trouve que justement, les réseaux sociaux. C'est assez ambivalent la question des réseaux sociaux parce que, à la fois, c'est des outils de transmission, mais qui sont hyper instantanés, hyper. Dans l'histoire de maintenant, tout de suite, ça marche par justement la starification, la glamourisation des actions ou de personnes, tout ça. Et en même temps, d'un autre côté, c'est des endroits où il y a des personnes qui peuvent avoir accès à la parole et sortir de l'isolement. Je pense notamment aux personnes transfemmes. C'est un peu un des seuls endroits où elles sont plus représentées. Voilà, ça permet de... Je sais pas, ça permet de faire connaître assez facilement, de manière plus mainstream aussi, plein d'articles, de podcasts, de livres et d'histoires qu'on va pas... dont on va pas nous parler dans les grands... Bah, c'est surtout que ça fait une bonne porte d'entrée sur des œuvres un peu plus, à la limite un peu hard, qu'on n'aurait pas forcément envie de... Enfin, par exemple, on n'a pas forcément tous envie d'ouvrir un bouquin sur un sujet ultra intense, alors que une petite publication par-ci par-là qui vont nous encourager à aller voir des trucs, ça fait quand même une bonne porte d'entrée. Après, là, dans le... Enfin, il y a eu cette discussion-là, notamment pendant les vacances de pédale cet hiver, dont on écoutera des extraits plus tard, mais que là, on a dû un petit peu couper. Et où il y avait quand même cette peur sur les réseaux sociaux que ça dure pas, que ça traîne pas assez longtemps, enfin que ça dure pas assez longtemps et que finalement c'est difficile de se transmettre des choses dans la durée via ces plateformes, alors que c'est pas forcément le but en fait. L'idée c'est de se faire un premier contact par ça et éventuellement rameuter plus de gens, et que l'idée c'est quand même de rencontrer les les personnes en vrai et que, enfin, c'est facile les réseaux sociaux d'avoir un peu cette distance avec les choses, alors qu'au final, faut finir par rencontrer les personnes qui peuvent nous faire du bien ou nous transmettre des choses aussi. On écoute un petit morceau de musique. L'inter-LGBT, lesbienne, gay, bi et trans, qu'il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin, écoutez, monsieur Bonda, où on est? Où on vit? C'était mieux pour toi quand je me cachais. Une case à la fois, le monde roulait. Ma normalité, c'est déjà trop. Faut une soutane pour te plaire, frérot. Je veux juste retrouver ma maison. Tant pis si c'est sur d'autres balcons. Toujours comme si t'allais me stopper. Front national et le front de ta pensée. Ta haine c'est mon fuel, c'est quand t'arrêtes avec les PD. Je deviens de plus en plus enragé. Ma force vient de la foule. Étonné qu'on soit allié, c'est pour pas vous laisser passer. J'ai qu'une envie, c'est tout cramer. T'as la chance que j'en te coule. Je t'empêche pas de te sentir mal. T'empêche pas de te sentir mal. T'as l'air gêné quand je parle. T'as l'air gêné quand je te fous le seum, fous le seum, fous le seum, fous le seum, fous le seum. Foutsem à ton père, foutsem au RN, foutsem à ta mère aussi. Ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Foutsem à ton frère, foutsem au RN, foutsem à ton père, foutsem au RN, foutsem à ta mère aussi. Ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Un moment trêve de palabres, les six strass c'est comme le pollen me rend complètement malade. Quand y'a pas de facho, j'suis adorable. Si c'est amer, toujours déterre le flow, les rend vulnérables. Si c'est amer, fermez vos gueules, laissez-nous danser. Laissez-nous vivre, bordel, arrêtez de chialer. Attitude de merde a tendance à nous faire briller. Y'aura aucun de ces tocards qui nous fera plier. J'marche dans la rue, comme si j'étais en manif. Ils voudraient me voir nu, car tous les fachos me kiffent. J'te casse les couilles, comme si c'était des abribus. Plus j'assume, plus t'as peur. Je t'empêche pas de te sentir mal. Je t'empêche pas de te sentir mal. T'as l'air gêné quand je parle. T'as l'air gêné quand je te fous le seum, fous le seum, fous le seum, fous le seum, fous le fous le seum à ton frère. Fous le seum au RN. Fous le seum à ton père. Fous le seum au RN. Fous le seum à ta mère aussi. Ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Fous le seum à ton frère. Fous le seum au RN. Foutsem à ton père, et foutsem au RN. Foutsem à ta mère aussi. Ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Je brûle d'amour pour mes adelphes. Je brûle pour sécher mes larmes. Je brûle de rage de vivre pour pas que s'éteigne ma flamme. Je brûle d'amour pour mes adelphes. Je brûle pour sécher mes larmes. Je brûle de rage de vivre. S'éteigne ma flamme. Je me sens trop bien depuis que j'en ai rien à foutre. Si on me l'avait dit avant, j'aurais eu des doutes. 20 ans à se faire insulter par des refoulés. Dans l'enfuie, sur ses chaussures, la merde a coulé. Mini m'a dit Manu, les extrêmes ont toujours tort. Moi je voudrais bien m'aimer, toi t'aimerais me voir, non mais on leur fout le seum, fout le seum, fout le seum, fout le seum, fout le seum. Foutsem à ton père, foutsem au RN, foutsem à ta mère aussi. Pour ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Foutsem à ton frère, foutsem au RN, foutsem à ton père, foutsem au RN, foutsem à ta mère aussi. Pour ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Foutsem à ton frère, foutsem au RN, foutsem à ton père, foutsem au RN. Pour ça c'est pas compliqué, ton existence ça les fait chier. Vous êtes toujours sur le 895 de Radio Duo dans Pédale Scandale. On vient d'écouter Full Sum, un morceau de Amarwav et Circé. qui nous a été proposée par une copine de Pédale Scandale qui n'est pas là ce soir. Et si elle nous écoute, eh ben moi j'ai juste envie de lui dire qu'on pense fort à elle. Et du coup, on se posait aussi la question de pourquoi la transmission finalement c'est tant un enjeu et que ça a toujours été un enjeu et que ça restera un enjeu dans nos communautés. Et pour ça, on va écouter un nouveau message de Malo qui nous raconte que c'était déjà une question dans les années 70. Je pense qu'il y a un truc qui me fait un peu un effet un peu ouf. En vous écoutant parler dans votre discute collectif, vraiment j'ai l'impression d'être de relire plus ou moins proche, mais en gros les débats, les discutes qui ont cours dans les GLH, tu vois. Et du coup ça, je trouve c'est un truc quand même un peu de fou de ce que ça génère, ces espaces de discussion, de parole, ces groupes affinitaires et politiques qui vous parlez beaucoup de réinventer l'eau chaude, mais je pense, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui de toute façon inévitable, et à la limite ce qu'on peut faire c'est justement savoir des transmissions de nos histoires pour peut-être inventer un peu moins, mais que de toute façon on est obligé de passer par l'expérience collective pour avancer. Voilà, du coup ça me marque hyper fort et ça me touche, je crois. Vous êtes toujours sur Radio Dio, dans Pédale Scandale, et le temps file, alors on enchaîne avec une nouvelle contribution de Louve, qui nous parle de ce qu'implique cette espèce de fétichisation de la mort qu'on retrouve souvent dans nos milieux. Mais aussi, par exemple, il y a un truc qui est vraiment un centre de gravité dans les trucs d'histoire, c'est la question de la mort. Alors typiquement, par exemple, le VIH-Sida, c'est un gros centre d'attraction des histoires, et on a l'impression que toutes les histoires doivent tourner autour de ça. Et toujours sur le thème de, oui, c'est les gens qui meurent, c'est les traces qui se perdent, c'est les archives qui sont jetées à la poubelle, etc., etc. Beaucoup plus que sur un angle de, c'est les gens qui s'organisent et compagnie. Et en fait, pour moi, ce truc, c'est important de parler de la mort et de faire l'histoire de la mort dans nos communautés, mais je pense qu'il faut se méfier de pas la fétichiser, parce que typiquement, les historiens fétichisent la mort hyper, hyper fort. Et moi, je me rappelle qu'à un moment, j'avais lu, par exemple, un bouquin d'Arlette Farge qui s'appelle « Le goût des archives », et dedans, mais elle part, mais à des années-lumière de « Ah, on soulève la poussière des archives comme un voile, et on ouvre des sépultures de choses. » Et en fait, moi, j'étais hyper mal à l'aise, parce que j'étais en mode « En fait, on parle de vie, on parle de gens, on parle d'existence, on parle de choses qui, en fait, sont tout l'inverse de la mort, en fait. C'est des choses qui sont très vivantes, qui sont très là. » Et que du coup, ouais, pour moi, il y a quand même ce truc de « C'est important de donner de la place à la mort, mais il faut jamais... » En fait, à partir du moment où on raconte de l'histoire, on crée de la vie. Et aussi, on crée de la... Comment dire? Un peu de la résurrection aussi, de choses qui ont été en vie avant. Du coup, tout ce tropisme autour de la mort, je trouve ça hyper compliqué. Et en plus, de quelle mort? Et typiquement, il y a toute cette emphase sur le VIH-Sida et tout. Quand on lit les bouquins Daniel Defer et compagnie, tous ces créateurs de Head, Act Up et tout, sur l'épidémie du sida dans les années 80, y a très peu de place ou aucune place du tout qui est laissée aux communautés trans. Alors que on le sait quoi, les meufs trans font partie des premières victimes de l'épidémie du sida en France. On a la mémoire orale pour l'appuyer, mais ça se retrouve pas dans les livres en fait. C'est très difficile d'en trouver des traces. Du coup, voilà, moi je trouve qu'il faut se méfier avec ce truc de la mort. Je suis coincé au fond du trou. Fais défiler des kilomètres de vidéos violentes ou bêtes. C'est amusant et ça rend fou. Je me gave de bébés, animaux, de blagues et de bombardements. De la bouillie dans le cerveau, paroi du crâne taché de sang. Folle. Si ça me prend le matin, jusqu'au soir je sers à rien. Le dehors me rend dedans, par la fenêtre de l'écran. Genre d'animal tapis dans sa grotte, pâte à rien, café clope. Je suis le genre de meuf bizarre, je ressens rien que tu t'écoutes. Au fond du trou, j'attends la faute. We'll be right back. Je suis coincé au pied du mur. J'avale des montagnes d'ordures, des vidéos de grands complots et de villes entières en Lego. Je me gave de rire forcé jusqu'à vouloir en dégueuler. De la grosse purée dans ma bouche, y'a plus jamais rien qui me touche. Folle. Si ça me prend le matin, jusqu'au soir je sers à rien. Je suis mal. Le dehors me rend dedans. Par la fenêtre de l'écran, je suis le genre d'animal tapis dans sa grotte. Pas t'as rien, café clope. Je suis le genre de meuf bizarre. Les yeux cernés, le temps blafard. Je suis le genre qui fait des blagues sur le suicide quand je dérape. C'est dans les coins que ça regarde. Je suis le genre dont tout échappe. Je passe le temps, je fais des trous dans mes bras et dans mes gambettes. Je ressens rien que du dégoût au fond du trou. J'attends la mort. J'attends la fin des Deserty Girls. Bah d'ailleurs, si elles nous écoutent, on peut leur des dire qu'on bisous. On les aime fort, fort, fort. Et avec cette musique et aussi l'intervention d'avant de Louvre, on se rend bien compte que la question de la mort, elle est ultra présente dans nos communautés. Et alors, sûrement des endroits fétichisés, mais parce qu'elle est là, elle est là tout le temps, quoi. Et vu que c'est un peu speed, qu'il reste plus beaucoup de temps, on va enchaîner très très vite. Et on avait envie aussi de parler d'un autre truc qui, selon nous, à plein de moments, empêche la transmission, c'est les conflits générationnels. Du coup, on écoute un nouveau petit montage. Ouais, moi, dans les questions que je me pose et puis qu'on s'est posé un peu en groupe aussi, il y a ces histoires de on a l'impression des fois, mais même dans des trucs communautaires, que les archives elles doivent avoir un côté un peu respectable. En fait, qu'il y a un tri de qu'est-ce qui peut être lu et qu'est-ce qui peut être diffusé. Et on s'en est rendu compte parce qu'il y avait des vieux zines qu'on a réimprimés et tout, et où en fait les gens les relisaient en se disant attention, il y a peut-être des trucs problématiques dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des trigger warnings? Est-ce que machin? Et en fait, il y a des personnes qui étaient opposées à ce qu'on diffuse certains zines parce qu'il y avait quelques phrases ou quelques trucs dedans qui seraient pas en accord avec nos valeurs de ce groupe-là aujourd'hui, et moi ça m'avait un peu saoulé parce que je m'étais dit en fait on n'est pas obligé de diffuser que des trucs avec lesquels on est d'accord du début à la fin. J'ai un peu fait le lien même au niveau de c'est qui les personnes aujourd'hui qui ont des histoires d'archives à raconter et qui sont plus là, pas parce qu'elles sont forcément mortes mais parce qu'elles sont plus dans les groupes, qu'elles sont plus dans les communes ou qu'elles ont été ostracisées ou qu'elles sont parties. Et en fait à Rennes il y a un collectif d'archives LGBT qui a essayé de se monter, je sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça, où on a fait pas mal de réus de préparation, et il y avait une partie du groupe qui était un peu avide d'avoir des matériaux, quoi, genre des affiches, des flyers, des fanzines, des trucs à pouvoir mettre dans des cartons. Et en fait, on était plusieurs à avoir l'impression que ça les intéressait plus de récolter des goodies d'archives que de rencontrer les personnes qui les avaient produites, et qu'en fait il y en a plein de ces personnes qui sont encore à Rennes, qui sont encore vivantes, qui sont encore là, mais qui sont, bah voilà, qui ont brillé, qui ont plus de potes, ou alors qui ont changé de vie, enfin qui font autre chose, qui ont un taf, qui font leur life, et où en fait je trouvais ça chelou, parce que moi ma vision des trucs de transmission et tout, c'est l'occasion de refaire du lien avec des personnes qui vont me raconter des trucs. Et il y avait un truc un peu de fétichisme, de on veut vos flyers, mais par contre, tonton machin qui dit un peu des dingueries, on n'a pas envie de, on n'a pas envie d'aller prendre un café avec, quoi. Et ce truc-là, il me saoule un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc de nettoyage de, voilà, de qu'est-ce qu'on va garder comme archive qui nous raconte une belle histoire de ce qu'on veut de nos communs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, enfin, qu'on a des codes et des bonnes manières, enfin, un peu un truc de comment on exprime, enfin, les mots qu'on utilise, machin, qui évolue très vite aussi. Mmh. Et du coup, un truc de les personnes qui sont pas dans les groupes, machin, ou les personnes plus vieilles, souvent, prennent pas ça, enfin, s'adaptent pas de cette manière-là. Enfin, moi, ça m'avait fait ça, je pense, quand on avait vu, du coup, genre, Hervé Brison, qui était venu pour la réédition de Saint-Apiole, là, à Saint-Thé. Il y a vraiment ce truc, et genre plusieurs personnes autour de moi ont dit ça. Parce qu'ils disaient des mots que nous on n'utilise pas, ou enfin des trucs qui nous paraissent pas un peu problématiques. Il est scandaleux pour oui. sa manière d'être. Il est scandaleux, mais aussi mais du coup, il, tu vois, enfin un peu un truc de. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui se sont fait mégenrer, machin, enfin des trucs comme ça. Et du coup, c'est un truc de se dire, en fait, est-ce qu'il a sa place là, parce qu'il a pas les codes, machin et tout ça. Alors qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il a énormément de trucs hyper intéressants à raconter et qu'on. Enfin. Moi, j'aurais envie d'entendre, quoi. Enfin, j'ai juste qu'on met une barrière parce que un peu un truc de toutes ces normes que, qu'il n'a pas acquis, quoi. Donc, il a écrit un livre qui a marqué toute une génération de transpédagogues, quoi. Ouais, c'est une grande question, tout ça. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est là, toujours cette question de comment, en fait, quand on est plus âgé, on transmet sans influencer la pensée et dire c'était mieux avant, le truc de daroniser un peu les plus jeunes. Et à l'inverse, en fait, que ben, les personnes plus âgées qui sont plus trop dans les milieux ou qui se sont fait exclure en gros des milieux parce qu'elles avaient plus les bons codes et des parce que les milieux queer et militants ils enfin ça les codes ils changent, ils évoluent très vite et du coup je pense que c'est une question qui à plein de moments bloque, quoi. Ouais, ça crée une peur constante mais qui va dans les deux sens, une peur de soit justement d'être devenir has-been, en fait, de plus avoir les codes et d'être daronisant, de avoir une position de pouvoir quand on est plus ancienne dans les milieux, mais aussi dans l'autre sens, la peur de réinventer l'eau chaude, comme on l'a dit avant, quand on débarque, et qui font des blocages dans tous les sens et qui compliquent énormément la transmission, justement. Et ça fait penser un peu ces trucs de conflit qui sont compliqués à régler et qui, en fait, sont que des trucs de peur dans tous les sens. C'est le conflit qu'il peut y avoir entre la ville et la campagne, les luttes citadines et rurales. Ça, on en avait parlé pendant la discussion qu'on avait eue pendant les vacances des pédales. Et il y avait eu cette intervention concernant le fait d'arriver de la campagne et d'arriver en ville et dans des milieux militants et la peur de ne pas avoir les bons codes, les bons mots. Et du coup, de comment arriver... à tout petit pas dans ces milieux-là, parce que en mode j'ai peur de dire un mot de travers et de se faire éjecter du jour au lendemain, quoi. Ouais. Moi, j'ai d'autres trucs que je voudrais bien rajouter, c'est que aussi souvent quand on va demander aux gens de raconter des histoires, souvent les personnes disent qu'elles ont rien à raconter, parce que si c'est pas si on n'est pas fait des études, si on n'est pas universitaire, ben on a l'impression de pas, enfin que on ne se sent pas légitime à raconter nos histoires. Et un autre truc, je vais très vite parce qu'on est hyper à la bourre, mais dans la discussion qu'on a eue aussi, en fait, il y a un truc qu'on s'est dit, c'est qu'on ne se transmettait pas suffisamment nos conflits, et notamment nos conflits politiques. Moi, je fais partie du groupe Archives du web, du coup, des Weekend PD, et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée quand on a monté cette commission Archives, c'est comment on peut se transmettre les conflits qu'il y a eu et qui, parce qu'en fait, ils ont encore lieu parfois, et des fois, plutôt que de se transmettre les choses, on revient toujours sur les mêmes histoires. Et en fait, quelquefois, on perd du temps, et alors qu'on aurait d'autres choses à se raconter, quoi, et à discuter. Et pour, on va enchaîner sur un nouveau vocal qui parle un peu aussi de comment, en fait, souvent on a peur que nos luttes elles soient récupérées par le monde straight et libéral et qu'elles soient lissées. Ça a été beaucoup le cas par exemple sur la lutte contre le VIH. Et du coup, on écoute un petit vocal d'Elias qui parle de ça. Mais je trouve à l'intérieur des collectifs, c'est une question qui est un peu difficile aussi. De qu'est-ce qu'on raconte à qui. Je sais pas, par exemple, à la Dinette Détente, on a été approché peut-être deux ou trois fois par des gens qui font des études de sociaux et, et qui ont envie de venir dans les groupes. Du coup, c'est des moments conviviaux entre BD en tant que sociologue. Et tout le monde était non. Et en fait, c'est des BD, et du coup, on a envie de dire mais viens pour toi, viens pour de vrai, quoi. Enfin, sincèrement, viens pas pour produire un truc sur nous. Bref, je trouve ça trop bizarre comme posture. Et en même temps, moi je viens de. Plutôt des trucs d'autosupport trans où en fait à chaque fois dans les groupes de parole il y avait des journalistes qui voulaient venir ou des sociologues ou quoi. On était en mode non, venez pas, la flemme, trop la flemme. Et du coup j'ai ce truc hyper logique que je questionne même plus de s'il y a des sociologues qui veulent venir ou des gens qui veulent écrire un article ou quoi, on les envoie chier parce que ça va forcément être de la merde. Et que c'est peut-être pas vrai, enfin, il y a peut-être des gens qui produisent des trucs intéressants dans un autre contexte, pour des trucs universitaires et tout. Et du coup, on a un peu ces débats-là, parce qu'il y a des personnes qui sont moins de cette culture-là dans la dinette détente, qui disent, et en même temps, on dit tout le temps qu'il n'y a pas trop d'histoire PD, que ça parle jamais de nous. Pourquoi pas? Je crois que ça me fait un truc de... Je trouve ça trop bizarre qu'il y ait des PD qui viennent, mais qui viennent pas en tant qu'eux-mêmes, et qui viennent en tant que... Je sais pas, je vais noter des trucs sur vous. Enfin, et aussi, je me dis pour faire quoi avec, quoi. Est-ce que c'est un bouquin? Est-ce que c'est un truc... est-ce que c'est ton mémoire qu'en fait, on va jamais lire? Et du coup, la flemme, enfin, je sais pas. Ça fait un peu se sentir utilisé, des fois. Mais bon, ça... Enfin, je sais pas. Moi, le truc qui me fait un peu chier, c'est que je commence à me poser la question d'accepter, parce que... des fois, je me dis c'est la seule manière d'avoir des archives qui vont un peu rester... Ou qu'il y ait des traces qui existent quelque part, quoi. Alors, on va enchaîner sur un petit vocal qui parle de « Est-ce qu'on doit forcément raconter des histoires vraies ?» C'est intéressant de se raconter des histoires même si on se ment un peu. Et je trouve que pareil, l'idée de que l'histoire, c'est forcément une question de vérité, c'est un piège des historiens. Il y a Wittig qui a cette phrase hyper jolie où elle dit... c'est un truc en mode « souviens-toi » ou à défaut « invente-un ». Et cette idée d'inventer des histoires, moi j'adore. Parce qu'en fait, une fois qu'on se raconte un peu des éléments de contexte et tout, de comment ça se passait les trucs PD dans les années 60, c'était quoi les conflits, c'était quoi les lois qui existaient, c'était quoi un peu les représentations sociales et tout, bah en fait on peut commencer à imaginer des récits qui sont très crédibles, qui en fait historiquement sont très pertinents, parce qu'on s'appuie sur une base de choses qu'on sait, et après on invente. Et en inventant, bah, on se ment un peu, mais je trouve que ça fait du bien. Et je trouve que c'est important, parce que pour moi, faut toujours se rappeler que l'importance de l'histoire, c'est pas forcément la vérité, c'est aussi plus de la force que ça nous donne, l'amour que ça nous donne, la tendresse que ça nous donne et tout quoi. On est toujours sur Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5. Ces histoires de... justement, de pas raconter forcément des histoires vraies... je pense que l'intérêt, il est aussi dans le fait que, en fait, on n'a pas tout le temps de construire une vraie histoire collective, notamment parce qu'on passe beaucoup de temps dans nos communautés à essayer de survivre et à prendre soin les unes des autres et à essayer de sortir de l'isolement, tout ça. Et qu'on a peu de temps pour la construire, notre histoire, avec forcément uniquement des histoires vraies. Alors, pourquoi pas se raconter nos histoires aussi? Voilà, on enchaîne avec un nouveau vocal sur ces questions-là, un peu d'isolement, de radicalité, par Malo. Il y a une chose que je trouve hyper intéressante à chaque fois qu'on réfléchit entre pédales à pourquoi est-ce qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il y a souvent cette discussion autour de à quoi nous servent ces groupes d'auto-support. Est-ce que c'est pas une différence fondamentale avec... des groupes qui seraient politiques, des groupes qui seraient dans la revendication, qui feraient des actions politiques. Et cette tension-là qui existe entre le besoin de se raconter, de trouver des semblables, de sortir un peu de l'anonymat, de la solitude, versus faire voilà des actions, aller tracter, aller differ, aller diffuser des journaux, aller occuper une usine ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est toujours une espèce de tension, de dichotomie qu'il y a dans nos formes d'intervention politique. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que en fait les questions qu'on peut se poser aujourd'hui autour de à quoi sert un web, à quoi servent des groupes affinitaires PD, des groupes d'auto-support PD, en réalité c'est des questions qui se posent de la même manière déjà dans les années 70. Dans le sens où quand moi j'ai commencé à faire mes recherches pour essayer de comprendre un peu c'était quoi cette histoire, j'ai dans un premier temps cherché dans les archives, dans les traces, dans les sources, tout ce qui pouvait justement me faire penser à les formes d'organisation politique dans lesquelles moi j'étais plutôt inscrit, à l'extrême gauche, dans le milieu autonome, dans le milieu anarchiste, et du coup de chercher des traces de voilà de diff, de trac devant des facs ou des usines ou des réus ou des assemblées générales, et de bien voir au départ que en fait je trouvais pas toutes ces sources, toutes ces traces, parce que tout simplement dans l'organisation de ces groupes de libération homosexuelle, c'est des choses qui se font dans des temps différents. C'est-à-dire que la première raison pour des PD, des homosexuels, des lesbiennes, dans les années 70, de se retrouver dans un groupe de libération homosexuelle, c'est d'abord et avant tout de sortir de la solitude, c'est sortir de l'anonymat, c'est trouver des semblables, des camarades et pourquoi pas un amant, un amour, un prince charmant révolutionnaire. Et vraiment ça, c'est la raison première pour laquelle les gens, ils se retrouvent et font des réus, d'abord chez les uns les autres. Et c'est seulement dans un deuxième temps, une fois que on est sorti de l'anonymat, une fois qu'on a partagé un petit peu ces difficultés du quotidien, de c'est quoi l'homophobie, de comment c'est dur d'être PD dans ce monde, que ces groupes de libération homosexuelle vont commencer à formuler un discours politique, des perspectives politiques souvent inscrites dans des perspectives révolutionnaires, en tout cas pour ce qui concerne les années 70. Et seulement dans un troisième temps, une fois qu'il y a des bases politiques communes qui soient développées, de lancer une action vers l'extérieur. Mais en tout cas, comme jamais, ou rarement, j'ai pas trop trouvé ça dans les traces, des groupes qui, dès le départ, seraient dans une action politique vers l'extérieur à chercher à porter un discours, une parole radicale. Il y a vraiment toujours cette perspective préalable de se retrouver et de faire de l'autosupport. À ce moment-là, on parle plutôt de groupes d'autoconscience. Voilà. Et donc voilà, c'est des parallèles que je trouve assez intéressants entre ce qui s'est passé il y a 40-50 ans et aujourd'hui. Et dans cette perspective de pas toujours vouloir réinventer l'eau chaude ou d'essayer de comprendre les processus, les mécanismes qui traversent les groupes, de tout simplement en fait de se lâcher un peu la grappe, je pense, sur ce processus qui a l'air de se répéter en fait de groupe en groupe, de décennie en décennie et d'époque en époque. Et du coup, de se dire que peut-être que cette opposition que des fois on recherche ou qu'on questionne, elle n'est pas aussi intéressante ou nécessaire que ça. Mais de se dire que c'est un processus en plusieurs étapes. On arrive vers la fin de l'émission de Pédale Scandale et on vient d'écouter le morceau Homophobia de Homo Militia. Et j'ai choisi ce morceau parce que, en fait, comme le dit Malo dans son message, en fait, on vit toujours dans un monde homophobe et transphobe et à plein de moments, c'est ce qui nous empêche de faire... on en chie, quoi. Du coup, ça nous empêche de faire des actions bien plus belles et bien plus radicales. Pour finir, on voudrait rappeler que se raconter des histoires, c'est avant tout pour se faire plaisir. On écoute Lou nous parler de ça. Je trouve que c'est un message qui donne pas beaucoup de place au... à la question du plaisir aussi, à la question de l'affect, en fait, de pourquoi est-ce qu'on veut se raconter ces histoires, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce que ça nous fait, quelle force ça nous donne, ou quelle force ça nous prend aussi quand c'est des histoires qu'on raconte pas nous-mêmes, quand c'est des histoires universitaires et compagnie d'un. Hein. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de se donner de la place à ça aussi. Ouais, il y avait ce petit extrait là de Dorothy Allison que j'avais envoyé à Mathéo, que je trouve trop bien. Mais je vous laisserai le lire si vous avez envie, un peu sur le truc de, en fait, si on raconte pas des histoires qui nous font plaisir, et des histoires qui sont aussi charnelles, et des histoires qui sont aussi un peu dégueu et tout, on retombe forcément dans les histoires toutes faites. Dans des histoires pour les cis, dans des histoires pour les straight. Hein. Et en fait, c'est que en se racontant des trucs qui nous font plaisir qu'on va vraiment réussir à se raconter des histoires pour nous, quoi. Alors voici le petit extrait de Dorothy Allison qui nous a quitté malheureusement il n'y a pas très longtemps. Merci à elle en tout cas pour tout ce qu'elle a écrit. C'est un extrait de son livre Deux, trois trucs dont je suis sûr. Je suis 1 milliard de % d'accord, ça fait grave écho au projet d'archives et d'histoires que j'aime bien et dans lesquelles j'essaye de mettre un peu d'énergie. Je vais l'utiliser pour mes ateliers, c'est sûr. Je raconte mes histoires encore plus fort à chaque fois. Des histoires sales et répugnantes, des histoires drôles, presque cinglantes, des histoires passionnées, désespérées. Il faut toutes les raconter pour ne pas avoir à raconter celles que réclame le monde, l'histoire qui nous raconte brisée. Voilà pour ce petit extrait de Dorothy Allison. Et notre conclusion à nous, à cette émission dans Pédale Scandale, c'est qu'en fait, on manque de l'autonome et d'imaginaire d'histoire positive et non imposée par des attaques réactionnaires. Qu'on passe un temps fou à prendre soin de nous et des autres dans un monde qui nous est très hostile, que nos moments de lutte, il reste encore trop souvent des réponses à des attaques réactionnaires avec un agenda qui est imposé par les FAF et l'État. Alors continuons à prendre soin des uns et des unes et des autres, mais aussi essayons de créer des moments et de nouveaux imaginaires de lutte et d'action directe. Et pour terminer, une petite anecdote d'un de nos camarades absents aujourd'hui qui rappelle que pour faire parler les gens de dehors histoire, il faut souvent trouver la petite accroche qui fait sortir du « Ah non, moi j'ai rien à dire d'intéressant ». Oh, c'est hors sujet, mais c'est pas grave. Mais là, typiquement, du coup, il y avait les fêtes de Noël, et du coup, moi, j'étais avec ma grand-mère. Et j'avais envie qu'elle me raconte des trucs. Et en fait, je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. Bon, je m'y attendais, mais voilà, ça l'a fait paniquer de ouf. Et après, je me suis rappelé qu'elle avait eu un singe quand elle était petite, qu'elle avait trouvé dans la rue. Et du coup, là, je pars en vrille, mais vous inquiétez pas, c'est un truc. Mais parce que son père avait donné son salaire contre un singe qu'il avait trouvé dans la rue. Et son père, qui était un anarchiste contre Franco, qui s'est fait machiner dans les camps de concentration et tout. Et du coup, et en vrai, c'est surtout cette histoire qui m'intéresse, parce que oui, ça rejoint des affinités que j'ai et tout, mais ça, elle veut pas du tout en parler quand on le dit, parle de ta vie. Alors que, à travers le petit singe qui s'appelait Lulu, et ben, du coup, elle a commencé à me raconter comment son père agissait avec sa thune, par exemple, comment il gérait ça, comment, du coup, après les privations qu'il avait subies, voilà. Et du coup, je trouve qu'en vrai, choper un point précis qui, toi, t'intéresse vraiment, parce que je trouve ça trop drôle de parler d'un singe, et qui, ça sent que l'autre l'intéresse et qu'il y a aussi peut-être un biais un peu détourné de l'humour et tout machin, et ben ça aide beaucoup plus, je trouve, les gens à se livrer et tu peux beaucoup plus aller dans le fond. Voilà, bisous mamie. Voilà pour cette anecdote très drôle qui nous a fait beaucoup rire. Ce coup-ci, on arrive vraiment à la fin de cette émission.